بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 58 dans l'explication du livre de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, Aqidatu Ahl-Sunnati wal-Jama'a, avec le charh de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, Rahimahullah. Et on est arrivé à l'endroit dans le livre, hein, on est toujours dans le premier pilier, hein, parmi les six piliers de la foi. Et le premier pilier de la foi, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on est presque à la fin du premier pilier. Et on est toujours en train donc de parler des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et des règles qui sont reliées à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, en particulier à propos des noms et des attributs, hein, parce que ça a un rapport direct avec le tawhid, hein, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ici le cheikh il explique que il dit wa bi annahu laysa bi ghafilin an a'mali 'ibadihi li kamali raqabatihi wa ihatatihi li kamali raqabatihi wa ihatatihi. Donc le cheikh Ibn Uthaymeen il dit, d'accord, et nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas insouciant, hein, il n'est pas insouciant, il n'est pas indifférent de ce que... Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas indifférent et n'est pas insouciant de ce que font ses serviteurs à cause de la perfection de, yani, du fait qu'il est en train de surveiller ses créatures et qu'il les enveloppe de sa science, hein, il les cerne par sa science et par sa connaissance. Donc c'est ça ce que le cheikh Ibn Uthaymeen a expliqué. Et il a dit ça, donc ensuite on va lire l'explication de ça. Il ne néglige jamais les actes de ses serviteurs qui sont en permanence sous sa surveillance, hein, et qu'il cerne parfaitement de son savoir. Hein, ça c'est la traduction de Dar es-Salam. Donc on va expliquer ce point-là. Il dit, Cheikh, rahimahullah, il dit, وقوله ونؤمن بأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته أيضا فالله عز وجل ليس بغافل لقوله تعالى وما الله بغافل عما يعملون وليتني أتيت به في المتن فسبحان الله من له الكمال. يقول ليتني أتيت به في المتن لأنه مؤلف المتن وهو شارح ومؤلف المتن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيقول ليتني أتيت به في المتن فسبحان الله من له الكمال. ما شاء الله، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، اشتغل ميرسي. اوكي، جزاك الله خيرا، حسان إلى بانسي أموا، je te remercie. Je suis bien réveillé, mais c'est juste... Oui. Naam. يعني لأن الإنسان يؤلف كتابا ولكن دائما يكون فيه نقص. ويعني حتى بعض السلف قالوا إذا كتبت شيئا يعني قل أن يعني أقرأه مرة أخرى فأقول لنفسي يعني ليتني زدت فيه كذا، ليتني يعني نقصت فيه أو حذفت منه كذا، لأن الكمال لله سبحانه وتعالى، فلا يوجد كمال في كتاب إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما في الكتب الأخرى فدائما فيه نقص. أي نعم، من طبيعة البشر أنه ناقص. أي نعم. صحيح وتواضعهم نعم يعترف بنقصه وبعدم كماله فهذا من التواضع يعني العلماء يقولون كلما ازداد الإنسان علما ازداد تواضعا نعم فالتواضع من صفة العلماء أما الجهال فهؤلاء هم الذين يستكبرون ويتكبرون désolé pour le wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh donc on reprend inshallah wa qawluhu wa bi annahu laysa bi ghafilin an a'mal 'ibadihi li kamal raqabatihi wa ihatatihi ايضا فالله عز وجل ليس بغافل لقوله تعالى وما الله بغافل عما يعملون وليتني اتيت به في المتن فسبحان الله او فسبحان من له الكمال والا فكان يجب ان نذكر الدليلين على نفي الظلم وعلى نفي الغفله ولماذا لا يغفل عز وجل الجواب لكمال رقبته وإحاطته فكل شيء يعلمه جل وعلا في وقته وفي حينه donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala donc il n'est pas indifférent ou insouciant des actions de ses serviteurs hein? peu importe qu'est-ce que les êtres humains font parce que des fois les gens ils pensent que qu'est-ce que les êtres humains sont en train de faire Allah subhanahu wa ta'ala il ne donne pas d'attention à ça ou qu'il n'est pas conscient de ça yani, c'est pas quelque chose qu'ils disent nécessairement avec leur bouche peut-être qu'ils ne vont pas dire ça s'ils sont croyants et ils croient que c'est-à-dire dans leur cœur et ils disent avec leur bouche que Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-alim al-khabir et que yani, il a la connaissance et il enveloppe toutes choses de sa connaissance et qu'il surveille ses serviteurs et qu'il les voit sami'un basir mais dans l'action dans la façon d'agir quand ils font des choses des fois qui sont en contradiction avec l'ordre d'Allah ils agissent comme si Allah était insouciant de ce qu'ils font hein et na'am نعم نقص العلم ونقص الإيمان نعم هذا هو نعم الإحسان كأن تعبد الله نعم تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ولكن الإنسان كما قلت يعني ضعيف في أحيانا في علمه وفي إيمانه فيغفل أحيانا عن رقبة الله له نعم وهو معكم أينما كنتم وهو أقرب إليه من حبل الوريد ها وهو يعني أقرب وهو أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون نعم فالله سبحانه وتعالى قريب رقيب ها Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas indifférent ou insouciant. Et le cheikh, il dit que il cite le verset 144 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et Allah n'est pas insouciant de ce qu'ils font. Et il dit si seulement j'avais mentionné ce verset là comme preuve dans le texte de base, dans le livre Aqidatu Ahl-Sunnah, comme si en voulant dire j'aurais dû le mettre, hein, j'aurais dû mettre le verset comme preuve dans le texte de base. Mais il dit, il y a une gloire à celui qui a la perfection. Il dit, sinon, il dit, il aurait été obligatoire de mentionner les deux preuves pour nier l'injustice et nier aussi l'indifférence ou l'insouciance. Hein? Et donc, c'est parce que, comme on disait par le frère, je lui expliquais que les ulama parmi les salafs, ils ont dit, que certains d'entre eux, ils ont dit que même, ils disent chaque fois que je lis un livre que j'ai écrit, à chaque fois je dis, si seulement j'avais enlevé ça, ou si seulement j'avais rajouté ça. Et donc ils disent, on comprend de ça que l'être humain, il est imparfait et yani, par sa nature même. Hein, il n'y a pas un livre qu'un savant peut écrire duquel tu vas pas, à propos duquel tu ne vas pas dire « Oh, si seulement il avait rajouté tel verset » ou « Si seulement il avait enlevé ou pas mentionné telle chose. » Pourquoi ? Parce que l'être humain, il est imparfait par lui-même. Et il n'y a pas de livre qui est parfait, excepté le livre d'Allah. Hein? صح وما أوتيتم من العلم إلا قليلا هذا في وقال ربي زدني علما الرسول صلى الله عليه وسلم الله lui a dit وقل ربي زدني علما oh mon Seigneur augmente moi en connaissance en savoir hein? Et donc le cheikh dit ولماذا يغفل عز وجل ولماذا لا يغفل pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas insouciant et indifférent il dit à cause de la perfection de sa surveillance et la perfection de yani de son savoir qui cerne toute chose. Donc toute chose Allah subhanahu wa ta'ala le connaît dans son temps et dans son moment. Il dit ensuite wa nu'minu bi annahu la yu'jizuhu shay'un fi as-samawati wa la fi al-ard li kamal 'ilmihi wa qudratihi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Donc il dit et nous croyons également que Allah subhanahu wa ta'ala yani il y a rien qui yani il y a rien qui peut le réduire à l'impuissance hein? Allah subhanahu wa ta'ala il y a rien qui peut le réduire à l'impuissance ou le rendre incapable de faire quelque chose dans les cieux et sur la terre à cause de la perfection de sa science et de sa puissance. Et il mentionne le verset 82 dans sourate Yassin, إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, lorsqu'il a un ordre à donner, il n'a qu'à dire « soit » et « c'est hein? ». Il n'a qu'à ordonner à la chose d'exister ou d'être, et elle est. Il lui dit « soit » et « elle est ». كن فيكون سبحانه وتعالى et ça, il n'y a personne qui peut faire ça excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Ibn Uthaymeen, il explique ça en disant يعني وقوله ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته فالله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض وهل لا يعجزه شيء لكونه غير قابل لوصفه بالعجز الجواب لا بل لكمال علمه وقدرته فهو سبحانه كامل القدرة وكامل القوة donc le cheikh il explique que donc il y a rien qui peut réduire Allah à l'impuissance ou à l'incapacité dans les cieux ni dans les cieux ni sur la terre. Et est-ce que yani, quand on dit que Allah rien ne peut le réduire à son rien ne peut le réduire à l'impuissance ou à l'incapacité, est-ce que c'est parce que il n'accepte pas cette caractéristique ou cet attribut d'incapacité? Il dit non, c'est à cause de la perfection de sa science et la perfection de sa puissance. Il a la science complète et parfaite et la puissance complète et parfaite. La même chose pour le fait qu'il n'est pas indifférent ou insouciant de ce que font les serviteurs, eh bien, c'est à cause de sa perfection. Et on a expliqué au dernier cours la même chose à propos de l'injustice. Hein? On a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste. Et on a expliqué que c'est parce qu'il est parfaitement juste. Hein? Il est parfaitement juste. Et c'est-à-dire que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il nie quelque chose par rapport à sa personne, par rapport à son être, par rapport à ses attributs, ça implique le parfait contraire de cette négation-là. Le parfait contraire de cette négation. Donc s'il nie l'injustice, ça implique le parfait contraire de l'injustice qui est la justice. S'il nie, par exemple, le fait qu'il n'est pas indifférent ou qu'il n'est pas insouciant, et ça implique le parfait contraire de ça, c'est-à-dire la science et la connaissance complète de toutes choses. Et la même chose ici pour le fait que Allah n'est pas impuissant ou n'a pas d'impuissance ou d'incapacité, et bien à cause de la perfection de sa science et de sa puissance et de sa force, et ainsi de suite. Parce qu'on a expliqué que le fait de nier, c'est pas une glorification, c'est pas une glorification en soi. La preuve de ça, on a donné l'exemple que le cheikh il a mentionné, le mur. On dit si le mur il ne fait pas d'injustice à personne, est-ce que ça c'est une glorification pour le mur? Non, parce que de toute façon il est même pas capable de faire de l'injustice. Donc le fait qu'il ne fasse pas d'injustice, c'est pas une glorification. Hein, si je dis cette bouteille d'eau ne fait pas d'injustice à personne, je ne suis pas en train de glorifier cette bouteille d'eau, parce qu'elle ne peut même pas faire d'injustice, même si elle n'a pas de volonté même. Donc elle ne pourrait même pas en faire si elle voulait, même si elle voulait. Mais quand je dis que Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas d'injustice, c'est une glorification. Pourquoi? Parce que ça implique le parfait contraire de cela, c'est-à-dire qu'il est parfaitement juste. Non. Eh non. Comme le hadith que le cheikh il a mentionné, yani inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu. Je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendu interdite entre vous. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. كيف حالكم؟ نعم كيف الحال؟ Le cheikh dit ensuite iqra qawl Allah ta'ala wa وليتني أتيت بهذه الآية أيضا في المتن وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا فلما قال وما كان الله ليعجزه علل سبحانه بأنه كان عالما كان عليما قديرا لعلمه لا يعجز ولقدرته لا يعجز لأن العاجز عن تحصيل الشيء إما لجهله بأسباب حصوله وإما لعجزه عن إيجاده. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 44 dans sourate Fatir, il dit, et encore une fois je dis, et le cheikh il dit encore une fois, et si seulement j'avais mentionné ce verset là aussi dans le texte, hein, dans le texte de base du livre, parce que ce verset-là, il établit justement ce point-là de façon très claire. Il dit, il n'y a rien qui peut réduire Allah à l'impuissance, ni dans les cieux, ni sur la terre. Il est certes parfaitement connaissant et tout-puissant. Et donc, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne donc dans ce verset-là que rien ne peut le réduire à l'impuissance, et il a mentionné comme cause de ça que c'est lui qui est parfaitement savant, hein, il a la connaissance, il est omniscient et il est parfaitement puissant. Il a la puissance sur toute chose et il connaît toute chose. Donc, à cause de sa connaissance, hein, il n'est pas réduit à l'incapacité ou à l'impuissance, et à cause de sa puissance aussi, de sa toute puissance, il n'est pas réduit à l'incapacité et à l'impuissance. Il dit pourquoi? Parce que la personne qui est incapable ou qui a une incapacité ou une impuissance quelconque, c'est soit parce qu'il est ignorant des moyens pour y parvenir, hein, pour parvenir à faire qu'est-ce qu'il veut faire, ou soit qu'il a une faiblesse ou une impuissance qui l'empêche de faire ce qu'il veut, hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a ni l'ignorance ni l'incapacité. Donc il a la connaissance absolue et complète et parfaite, et il a la puissance complète et parfaite. Donc, il n'y a rien qui peut le réduire à l'impuissance, ni dans les cieux, ni sur la terre. Il dit, فَلَوْ قَالَ لَكَ شَخْصٌ اسْنَعْ لِي مُسَجِّلًا وَأَنْتَ لَا تَعْرِفْ فَإِنَّكَ لَا تَقْدِرْ وَلِعَجْزِكَ بَلْ لِكَوْنِكَ جَاهِلًا وَلَوْ كَانَ عِنْدَكَ عِلْمٌ تَمَامًا بِالصِّنَاعَةِ لَكِنَّكَ أَشَلُّ فإنك لا تقدر أيضا وذلك للعجز عنه ولهذا قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض لماذا إنه كان عليما قديرا. Donc il dit par exemple, si quelqu'un te dit fabrique-moi une enregistreuse, hein, un appareil comme ça. Hein, je te dis, fabrique-moi ça. Et toi, tu dis, ben, je ne peux pas, je ne sais pas comment. Parce que tu es ignorant, tu n'es pas un ingénieur, tu n'as pas étudié, tu ne peux pas savoir comment le fabriquer. Hein? Et si, par exemple, tu as étudié et tu as la connaissance, mais que tu es handicapé, hein, tu ne peux pas utiliser tes mains, donc, encore une fois, tu seras incapable de le faire. Parce que tu as une incapacité en toi de faire la chose. Donc, soit que la personne, elle a la connaissance et elle a la capacité, donc elle va être capable de le faire, sinon elle est incapable. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, rien ne peut réduire Allah à l'incapacité, ni dans les cieux, ni sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il est parfaitement connaissant et parfaitement puissant. Donc, dans ce cas-là, il peut faire tout ce qu'il veut. Il a le pouvoir sur toute chose. Naam. نعم هذا هو ولكن هنا يقصد شيئا آخر هنا المقصود هو إثبات كمال الله سبحانه وتعالى ici le but c'est d'établir la puissance d'Allah et l'exemple de la comparaison qu'il a faite c'est pour nous faire comprendre يعني pourquoi le fait de dire que Allah il n'y a rien qui le réduit à l'incapacité ça c'est une preuve qu'il est parfait dans sa puissance et dans sa connaissance. Hein? Parce qu'on a expliqué que la négation d'une imperfection ou d'une faiblesse de la part d'Allah implique le parfait contraire. Le parfait contraire de cette imperfection-là ou de cette faiblesse. Parce qu'on a expliqué qu'il y a les attributs d'affirmation et les attributs de négation. La sifat thubutiya ou sifat السلبية أو النفية المنفية نعم المنفية دوك يعني المنفية يعني أو التي يعني تنفى أو نفاها الله سبحانه وتعالى دوك يا les attributs qu'on affirme à Allah سبحانه وتعالى parce qu'il les a affirmés lui-même. Et il y a les attributs de négation, al-manfiya, c'est-à-dire celles qui ont été niées par Allah subhanahu wa ta'ala, et les attributs qui ont été niés, c'est les imperfections, les défauts, les faiblesses, et toutes ces choses-là. Hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, yani là, comme on a mentionné ça déjà, là, voilà, c'est quoi le verset? الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم فالسنة يعني والنوم هذا منفي عن الله سبحانه وتعالى وكذلك الله سبحانه وتعالى ليس له ولد وليس له صاحبة لكمال قيوميته لكمال قدرته وقيوميته وغناه il n'a aucun besoin il se tient par lui-même il se suffit à lui-même il n'a besoin de rien tout a besoin de lui il se suffit à lui-même donc ça c'est des exemples la même chose aussi pour d'autres exemples que le cheikh il a mentionné comme وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ et d'autres exemples aussi qu'il va mentionner encore Donc il dit وَقَوْلُهُ ensuite il dit وَقَوْلُهُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ يعني كلمة كُنْ فَيَكُونَ كلمة واحدة فيكون انظر إلى الخلائق كم عددهم منذ أن خلقهم الله إلى أن تقوم الساعة لا أحد يتصور العدد فضلا عن إحصائه ومع ذلك يقول الله عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فكلهم محضرون بصيحة واحدة وقال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم يعني إذا الفجائية الدل على فورية الحصول وقال تعالى فإذا هم بالساهرة على وجه الأرض. هذه قدرة عظيمة سبحان القدير على كل شيء. إذن ليس يعجزه شيء لكمال قدرته، لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit dans le verset, c'est le verset 82 dans sourate Yassin, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il veut quelque chose, il n'a qu'à dire soit et elle est. Donc c'est une seule parole qu'il dit, hein, et il dit regardez toutes les créations que Allah a fait, et essayez d'imaginer le nombre de ces créations là, vous pouvez même pas les imaginer, hein. Depuis le début de la création jusqu'à la fin, jusqu'à l'heure du jugement dernier, donc on ne peut pas imaginer même le nombre de créatures que Allah subhanahu wa ta'ala a créées, hein, et on ne peut pas les dénombrer non plus. Tout ça c'est impossible de calculer, même le nombre de grains de sable dans le désert, le nombre d'étoiles dans le ciel, qui peut calculer ça, hein? Le nombre d'années, le nombre de gouttes d'eau dans l'océan, hein? Qui peut compter ça? Personne. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il peut compter tout. Et il dit dans le verset 53 dans sourate Yassin, وَإِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. Il dit c'est juste un cri et voilà que tout ce qu'il a créé est présent devant nous. Il dit donc avec un seul cri, un seul son, hein, et yani, comme c'est mentionné dans d'autres versets, hein, c'est juste un cri, un bruit, un son, et voilà qu'ils sont devant nous. Fa'idha hum, il dit le cheikh, idha al-fujaiya, c'est-à-dire c'est quelque chose qui indique que la chose se fait subitement et ça arrive d'un seul coup, hein, et ça indique yani, que la chose se produit immédiatement, hein. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit et voilà qu'ils sont tous présents, hein, devant lui. Donc c'est quelque chose qui indique la toute puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et la grandeur de sa puissance. Donc il n'y a rien que Allah est incapable de faire à cause de la perfection de sa puissance. Il n'a qu'à lui dire et qu'à lui ordonner d'être et elle est. Lorsqu'il veut une chose il dit soit et elle est. Par sa volonté même, il lui dit soit et elle est. Ensuite, le cheikh il dit, وَبِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ تَعْبٌ وَلَا إِعْيَاءٌ لِكَمَالِ قُوَّتِهِ. يقول تعالى وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ أي من تعب ولا إعياء. Donc le cheikh dit également Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas touché par aucune fatigue, hein, aucune fatigue à cause de la perfection de sa puissance. Et il mentionne dans le verset 38 dans sourate Qaf, et nous avons certes créé les cieux et la terre en 6 jours, hein, nous avons certes créé les cieux et la terre et tout ce qu'il y a entre les deux en 6 jours, et aucune fatigue ne nous a touché, aucune fatigue ne nous a touché. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas touché par la fatigue, et il dit que yani ça c'est, il dit ensuite wa dalilu dhalika qawluhu ta'ala, yani annahu yani ma yaqul wa ma massana min lughub wa qawluhu wa la yalhaquhu ta'bun wa la i'ya, yani fi ma yaf'al mahma 'azuma. Donc peu importe la grandeur de ce que Allah fait et là, hein, la grandeur de la création qu'il crée, yani, ça ne le fatigue pas. Hein. Un être humain, yani, s'il fait un gros travail, ça le fatigue. Hein. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas, hein, comparable à quoi que ce soit de ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait. Il a la puissance complète et parfaite. Donc, même s'il crée les cieux et la terre, les planètes, hein, les étoiles, le soleil, la lune et l'univers, et les êtres humains et tout ce qu'il y a dedans, et les océans et tout, ça ne le fatigue pas du tout. Hein? Et il dit ensuite, وَدَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ مُؤَكَّدَةٌ بِالْقَسَمِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِاللَّامِ وَقَدْ. Hey, نعم, وَلَقَدْ. Hein? وقوله من لغوب أي من تعب وإعياء لكمال القدرة والقوة فهو سبحانه لا يمسه من لغوب لأنه كامل القوة والقدرة فهذا الكلام كله من الصفات المنفية من الصفات المنفية أو في الصفات المنفية واعلم أن الصفات المنفية يراد بها شيئان الأول نفي تلك الصفة المعينة وهذا واضح ومثل قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم فواضح أن السنة والنوم منفيان عن الله سبحانه وتعالى والثاني ثبوت كمال الضد وإن شئت قلت فقل إثبات كمال الضد فكلاهما واحد كلاهما واحد يعني إثبات الصفة أو نفي تلك الصفة وإثبات كمال الضد ومثل قوله تعالى لا ولا يظلم ربك أحدا فضد الظلم العدل إذن لا يظلم ربك أحدا لأنه كامل العدل إذن ليس في صفات الله نفي محض إطلاقا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن النفي المحض عدم محض والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا وكمالا وهذا تعليل جيد فالعدم على اسمه عدم Donc c'est ça ce que j'expliquais tout à l'heure. Le cheikh il explique, il dit donc que Allah n'est pas touché par aucune fatigue. Contrairement aux juifs et aux chrétiens, eux ils ont dit Dieu a créé les cieux et la terre et le septième jour il s'est reposé. Donc on n'a pas le droit de dire ça. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il est tout puissant et sa force est parfaite. Donc peu importe qu'est-ce qu'il fait, peu importe qu'est-ce qu'il crée, il ne se fatigue pas. Donc il n'a pas besoin de se reposer. Donc celui qui prétend que Allah subhanahu wa ta'ala s'est reposé le septième jour, eh bien il a attribué à Allah une caractéristique et une caractéristique de faiblesse et un défaut parmi les défauts des créatures. Et ça c'est du kufr, ça c'est du kufr de penser ou de prétendre que Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de se reposer. Et qu'il s'est reposé après avoir créé les cieux et la terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a corrigé et réfuté les mensonges que les juifs et les chrétiens lui ont attribués de façon injuste et mensongère. Parce que les juifs et les chrétiens, ils ont rajouté dans leur livre, des mensonges à propos d'Allah et à propos des prophètes, à propos des anges. À propos de la religion. Et c'est pour défendre ça, pour défendre la vérité qu'il a révélé le Coran pour justement réfuter ces mensonges-là. Donc, le Cheikh, wa alaykoum salam wa rahmatullah, le Cheikh il explique que tout ce qu'on a expliqué dans les derniers cours et maintenant aujourd'hui, ça a rapport avec les attributs de négation. Les attributs d'Allah qui sont que les choses que Allah a niées. Et il explique que tu dois savoir qu'à propos des attributs d'Allah qui ont été niés, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Premièrement, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces attributs-là, il nie l'attribut en particulier, comme quand il dit qu'il n'est pas touché ou la somnolence ni la fatigue ne le touche ou ne le prend. Il dit ça, c'est la négation donc de la somnolence et du sommeil. Et ça c'est clair, que la somnolence et le sommeil sont niés à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, et la deuxième chose que tu dois savoir, c'est que ça implique l'affirmation de son parfait contraire. L'affirmation de son parfait contraire. Donc si tu veux, tu peux aussi dire donc que c'est en fait les attributs de négation, c'est l'affirmation du parfait contraire de ces défauts-là ou de ces imperfections-là. Et les deux donc sont, ont ce sens-là. Il dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit et ton Seigneur ne fait d'injustice à personne, wala yadhlimu rabbuka ahada, ou bien d'autres versets, comme celui dans lequel Allah il dit inna Allaha la yadhlimu mithqala dharra. Inna Allaha la yadhlimu mithqala dharra. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait même pas un atome d'injustice. Yani c'est, ça veut dire même un atome d'injustice, Allah il le fait pas. Donc ça implique quoi? Ça implique le contraire de yani le parfait contraire, d'affirmer le parfait contraire. C'est-à-dire que quand on dit que Allah ne fait même pas une atome d'injustice, et ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement juste, parfaitement juste. Et il dit donc il n'y a pas dans les attributs d'Allah une négation absolue et totale. Il n'y a pas dans les attributs d'Allah de négation absolue et totale. C'est-à-dire que il n'y a pas une négation absolue dans le sens de la négation seulement. C'est-à-dire que même dans les négations, il y a une affirmation. Même dans la négation, il y a une affirmation. Et c'est ici, par exemple, quand c'est une affirmation que Allah affirme qu'il est Al-Samir ou Al-Basir, ça c'est une affirmation. Mais quand c'est une négation d'un défaut ou de quelque chose, c'est pas que une négation. C'est une négation et en même temps une affirmation du parfait contraire. D'accord? Naam. بضده وبضدها تتبين الأشياء. هذا ما يقول العلماء. Donc par le contraire, c'est là que tu comprends les choses. Si tu me demandes par exemple c'est quoi le froid, tu dis le froid c'est le contraire de la chaleur. Tu comprends plus facilement quand je te donne un exemple par le contraire. Et souvent tu vois ça dans les dictionnaires parfois. Quand ils veulent définir quelque chose qui est plus abstrait, ils te donnent par exemple le contraire pour comprendre. Qu'est-ce que c'est la lumière? C'est le contraire de l'obscurité, par exemple. Et donc quand on te dit Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas d'injustice, ça veut dire qu'il est parfaitement juste. Et le cheikh il dit que Ibn Taymiyyah il mentionne que la négation pure est complète et absolue, il dit ça, c'est en fait, comment je vais dire, adam. Al-nafyul mahd, adam. Adamun mahd. Adam, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la négation qui est absolue, c'est le néant, c'est l'absence. C'est l'absence d'existence. C'est ça en fait. Quand tu nies quelque chose, ça veut dire que tu nies son existence, ça veut dire que cette chose-là elle n'existe pas du tout. Et il dit, et la négation ou l'absence d'existence absolue d'une chose, ben c'est l'absence de cette chose-là. Donc c'est pas quelque chose, et encore moins une glorification. Donc si je dis par exemple, est-ce que je pourrais? Bon, il y a des ulama qui ont donné ça comme exemple, parce que les gens de Bid'a, ils ont dit à propos d'Allah, que des négations. Yani yasifun Allah bis-sulub faqat. La bil-ithbat. Non, à cause du fait qu'ils se basent sur la raison. Et les ulama d'Ahl-Sunnah, ils ont dit, c'est les gens de la Sunnah, ils affirment de façon détaillée et ils nient de façon générale. Donc l'affirmation est spécifique et détaillée parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit wa huwa as-sami'u al-basir al-alim al-qadir, et ses attributs lahu as-sam' wal-basar, et tous les exemples des différents attributs lahu al-ilm wal-qudra wal-irada wal-hikma wal-kalam. Donc les attributs sont détaillés mais les négations sont générales. لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يظلم ربك أحدا وهو يطعم ولا يطعم ولم يكن له ولد ولا صاحبة. يعني هذه ça c'est des négations générale. Et les gens de Bid'a, eux, c'est le contraire. Comme les Mu'tazila, les Jahmiya. Ils nient de façon détaillée, puis ils affirment de façon générale. Hein? Ils font le contraire. Et pourquoi? Parce qu'ils nient les attributs, puis ils affirment, hein, uniquement, que Allah existe seulement, de façon générale. Comme par exemple, ils vont nier plein de détails que tu trouves dans leurs livres. Ils disent par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'endroit, n'a pas de lieu, n'a pas d'espace, n'a pas de mouvement, n'a pas de couleur, n'a pas de grandeur, n'a pas de forme, n'a pas de... toutes des négations comme ça, tu dis, mais subhanallah, n'a pas de direction. Tout ça, c'est basé sur la philosophie. Tout ça, c'est basé sur des idées des philosophes. Quand tu regardes dans le Coran et dans la Sunna, tu ne trouves pas des négations comme ça. Hein? Et c'est pour ça que les ulama, ils ont dit, nous on ne nie que ce que Allah, c'est-à-dire on affirme que ce que Allah a affirmé, ainsi que son messager, dans le Coran et dans la Sunna. Et quand on nie uniquement ce que Allah et son messager ont nié dans le Coran et dans la Sunna. Et s'il y a une chose qui est ni affirmée et qui n'est pas niée non plus, donc elle n'a pas été affirmée, elle n'a pas été niée, alors dans ce cas-là, on s'arrête. On ne va pas l'affirmer et on ne va pas le nier. Et les ulama, ils vont dire, dans ce cas-là, si c'est un terme qui n'est pas dans le Coran, ni dans la Sunna, ni à l'affirmation, ni à la négation, qu'est-ce qu'on fait? On ne l'affirme pas, on ne le nie pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'affirmer parce qu'il n'y a pas de preuve. Et on ne peut pas le nier parce qu'il n'y a pas de preuve. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On s'arrête. Et les ulama, ils ont dit, on regarde la signification de ce qu'ils ont mentionné. C'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi la signification? Et si on trouve que cette signification-là est vraie, ou s'il y a une signification dans cette affirmation-là, parce que des fois, souvent, des termes qui n'ont pas été affirmés par le Coran et la Sunna, ils peuvent avoir plusieurs sens. Un sens peut être vrai et l'autre faux. Donc, c'est pour ça que c'est difficile parfois quand tu essaies de rentrer dans ces genres de philosophie-là, parce que eux, les gens de Bid'a, ils jouent avec les doubles sens, ou les choses qui ont plusieurs sens. Donc, ils te demandent, par exemple, est-ce que Allah a un espace? Hein? Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il a un espace ou un endroit? Hein? Halillahi makan. Donc, tu vois que les gens de Bid'a, ils utilisent toujours ces termes-là. Al-makan, al-jiha, Al-Hayiz, hein, des trucs comme ça. Et quand tu regardes dans le Coran, est-ce que tu as vu un verset ou dans la Sunna un hadith qui dit Laysa lillahi makan, ou lillahi makan? C'est pas mentionné. Hein? Wa huwa ma'akum ayna ma kuntum, wa huwa ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa, hein? Thumma istawa 'ala al-'arsh. يعني وهو القاهر فوق عباده ويعني أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن الله سبحانه وتعالى فوق وأنه في السماء وأنه على العرش هذا هو ça c'est ce qui est mentionné. Nous on mentionne ce qui est écrit. On ne rentre pas dans d'autres choses. Eux, ils disent, non, on n'a pas le droit de dire ça, parce qu'Allah n'a pas d'endroit. Donc, on n'a pas le droit d'affirmer l'endroit. Ça, c'est ce que disent les gens de Bid'a, les Mu'tazila, les Ash'ara, les Ahbash. Hein, quand ils parlent, c'est comme ça. Donc, les ulama, ils ont dit, est-ce que Allah il a nié ou il a affirmé dans la révélation qu'il a un lieu ou un endroit ou un espace? Non, il n'a pas affirmé, il n'a pas nié. Donc, on n'a pas le droit de l'affirmer, on n'a pas le droit de le nier. Nous, on se limite à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la Sunna. C'est-à-dire que Ar-Rahman ala al-arsh istawa, Allah est au-dessus de son trône, hein, et qu'il est dans les cieux, fis sama. Yani ici, si par exemple on dit Allahu a'lam, c'est sûr parce que Allah subhanahu wa ta'ala yani Alimun bi kulli shay, il connaît toutes choses. mais il nous a fait savoir à son sujet des connaissances sur ces choses-là. Dans son livre, il nous a expliqué, il nous a dit à propos de ses attributs, et il nous a dit Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa. Donc il faut affirmer ce que Allah a affirmé. Tu n'as pas le droit de nier ça. Il a dit thumma istawa 'ala al-'arsh dans 7 versets dans le Coran. 7 ayat dans le Coran. Donc ça, on n'a pas le droit de douter que Allah il est fauq. Aussi il a al-'ulu min sifatillah al-'ulu annahu al-'aliyyu wa annahu al-a'la. Al-'aliyyu al-a'la. Et il dit par exemple dans le Coran que il dit ya'ta'ruju al-mala'ikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Donc les anges et l'Esprit Saint montent vers lui. Montent vers lui. Donc ça veut dire qu'il est au-dessus. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, bal, à propos d'Isa ibn Maryam, bal rafa'ahu Allahu ilayh. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos d'Isa ibn Maryam, il l'a élevé vers lui. Et il dit aussi, à propos des actions qu'on fait, il dit, wal'amalu salihu yarfa'u. Les œuvres, les bonnes œuvres qu'on fait, elles s'élèvent vers lui. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Al-Jariya, la fille, la petite esclave, Aïn Allah, elle a dit Fissama. Elle a dit Fissama. Il a dit Man ana? Il a dit Anta Rasulullah. Qala i'tiqha fa innaha mu'mina. Il a dit Libère-la car c'est une croyante. Ça, c'est une preuve qu'elle est croyante parce qu'elle a su qu'Allah est au-dessus de sa création. Également, le verset. Pas le verset, mais plutôt le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a fait voyager le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la nuit, al-Isra, ou al-Mi'raj, eh bien, il est allé jusqu'à Bayt al-Maqdis, de Mecca jusqu'à Bayt al-Maqdis, et de Bayt al-Maqdis jusqu'au dernier des cieux. Il a monté en haut des 7 cieux. Ça, c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, il lui a parlé, il s'est adressé à lui, et il lui a révélé les prières. Donc, ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Encore une fois. Et donc, le fait aussi que. Il y a beaucoup d'autres preuves que ça. Mais ça fait partie de certaines preuves. Aussi, parmi les preuves, c'est que lorsqu'on fait le dua, on lève les mains vers le ciel. Pourquoi? Parce qu'on sait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Ça fait partie des preuves de la fitra. Aussi, lorsque on lève le doigt vers le ciel, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Allahumma hal ballaght. Allahumma hal ballaght. Ils ont dit hal ballaght. Et les sahabes ont dit bala ya Rasulullah. Il a dit Allahumma fashhad. Allahumma fashhad. Il a pointé vers le ciel et il a dit oh Allah soit témoin. Donc c'est pour dire que tout ça c'est des preuves que Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de sa création. Maintenant quand eux ils disent laysa lillahi makan, des choses comme ça. Nous, on dit non, on n'a pas le droit de dire ça. Parce que Allah, il n'a pas nié ça, il n'a pas affirmé. Nous, on se limite au texte. Natawakkaf, indal nas. Qu'est-ce que Allah a dit, c'est ça qu'on dit. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit, on ne le dit pas. Mais on dit, quand vous dites un endroit, quand vous dites al-makan, qu'est-ce que vous voulez dire? Si ce que vous voulez dire, c'est un endroit créé qui pourrait cerner Allah ou envelopper Allah. Alors ça, on le nie. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus grand que tout. Allahu Akbar min kulli shay. Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ. Donc même les cieux et la terre قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ. Il fait une poignée de la terre et les cieux, il les ferme dans sa main. Donc ça veut dire que personne ne peut le cerner, aucun endroit, aucun espace créé peut le cerner, ça c'est certain. Mais quand on dit, mais si ce que vous voulez dire, que al-makan, laysa lahu makan, qu'il n'est pas au-dessus de son trône, hein, يُرِيدُونَ بِذَلِكَ نَفْيُ الْإِسْتِوَى عَلَى الْعَرْشِ. Donc s'ils veulent par cela nier que Allah est au-dessus de son trône et qu'il s'est élevé au-dessus de son trône, alors dans ce cas-là on dit non, ça c'est faux. الْمَعْنَ بَاطِل. Hein? C'est pour ça donc que les gens de Bid'a, ils utilisent des formules qui sont ambiguës et équivoques, hein, pour essayer justement de te faire tomber dans un piège. Et donc quand ils te disent, est-ce que Allah il a un lieu ou un endroit ou un espace, si toi tu réfléchis pas et tu te précipites à dire non, eh bien tu tombes dans l'erreur. Pourquoi? Parce que tu nies quelque chose, peut-être que ça peut être vrai. Et si tu te précipites puis que tu dis oui, peut-être que tu tombes dans un piège encore, parce que peut-être que là tu vas affirmer quelque chose qui est faux. Hein? Donc c'est pour cette raison-là que quand il y a des termes qui ne sont pas mentionnés ni dans le Coran ni dans la Sunna, natawqaf, on s'arrête. Et les ulama ils disent nusbit al-ma'na sahih wa nanfi al-ma'na al-batil wa narfud al-lafz al-mubtada, hein, al-mujmal. C'est pour ça les ulama ils ont dit ça, c'est des termes qui sont mujmal, ils peuvent avoir plusieurs significations, vrai ou faux. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Donc dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de rentrer dedans, d'affirmer ou de nier. Il faut affirmer ce qui est vrai et nier ce qui est faux, et tu rejettes le terme, parce que le terme il est innové. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas utilisé comme la parole de l'imam Malik, hein? L'homme il a demandé à l'imam Malik, Ar-Rahman ou Al-Arsh istawa, kayfa istawa? قال يعني الاستواء معلوم معلوم يعني غير مجهول يعني c'est connu dans la langue arabe la signification du mot استواء والكيف غير معقول أو يعني الاستواء معلوم والكيف مجهول أو غير معقول. Tu peux pas comprendre comment Allah il s'est élevé sur le trône. والإيمان به واجب, c'est obligatoire de croire, والسؤال عنه بدعة, et de poser la question là-dessus c'est une innovation. Donc comment l'imam Malik lui a répondu? Il lui a répondu d'une façon claire et nette, et ça tu peux le dire à propos de tous les autres attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, la même chose. Et donc si c'est par contre des termes que eux ils ramènent qui sont ni vrais ni faux, ou bien qui sont pas mentionnés dans les textes, donc tu vas tomber dans un piège si tu rentres là dans ça, hein? Et c'est comme par rapport à Al-Kalam, hein, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains parmi les gens de Bid'a, hein, c'est comme s'ils vont dire, par exemple, que... comment ils expliquent ça? On en avait mentionné cet exemple-là. Ils vont dire, par exemple, que... ils vont dire la récitation du Coran. Ils disent, la récitation du Coran, c'est pas la parole d'Allah. Ils disent la récitation du Coran, c'est pas la parole d'Allah. Donc tu vas dire la récitation du Coran, comment ça c'est pas la parole d'Allah? Qu'est-ce que tu veux dire par la récitation du Coran, hein? Et donc des fois ils vont dire des paroles comme ça, toi tu sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire. Est-ce que tu parles de la voix du récitateur ou est-ce que tu parles de la parole qu'il récite? Si tu parles de la parole qu'il récite, ça c'est la parole d'Allah, parce qu'il récite le Coran, donc c'est la parole d'Allah. Mais si tu parles de la voix, de sa voix, hein, le son qui sort de sa gorge, hein, ça c'est créé parce que c'est sa voix que Allah a créée. Donc c'est pas la même chose. Donc des fois ils utilisent des termes ou des formules comme ça qui sont ambiguës, qui peuvent induire en erreur, qui peuvent confondre les gens. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention avec ces gens de bid'a et de ne pas tomber dans leur piège. Donc de connaître comme il faut la méthodologie des salafs salih pour éviter de justement de tomber dans l'erreur. Et c'est pour ça que le fait de connaître la voie des salafs, comme l'exemple de la parole de l'imam Malik, par exemple, ça c'est un bon exemple. Parce que le fait de connaître la position des salafs, ça nous donne des règles et des principes qui nous protègent de tomber dans l'erreur et dans l'égarement sur ces sujets-là. Naam. يعني العلماء يقولون يعني بالنسبة للنزول يعني قد تكلمنا عنه في هذا الكتاب يعني ويعني مررنا على هذه المسألة. On a parlé de la question de la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala et du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il descend au dernier des cieux, au dernier tiers de la nuit, chaque nuit, et il demande qui va me demander pour que je l'exauce, qui va me demander pardon pour que je lui pardonne, hein, qui va me demander ce qu'il veut pour que je lui donne. Donc ça c'est l'exemple yani, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il descend. Maintenant on applique à cet attribut la même règle que la parole de l'imam Malik au sujet de l'istiwa. Et donc les ulama ils vont dire bon, an-nuzul ma'loum wal kayf majhoul ou ghair ma'qoul, hein, wa as-su'al wal iman bihi wajib was-su'al anhu bid'ah. La même chose. Donc la descente d'Allah elle est connue et on sait ce que ça veut dire que an-nuzul en arabe. Wal kayf, comment Allah descend, on ne peut pas le comprendre rationnellement ou logiquement, ça nous dépasse, hein? C'est obligatoire d'y croire. Comme Allah il dit, il n'y a rien qui lui ressemble, il est l'audient et le voyant. La même chose pour Al-Istiwa, la même chose pour toutes les autres attributs. Donc le Cheikh, on revient maintenant au point où on était. Donc le cheikh il dit ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات ولكننا نتبرأ من محظورين عظيمين هما التمثيل والتكييف. فالتمثيل أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله كصفات المخلوقين، والتكييف أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. Donc on va traduire ça. Le cheikh il explique que on croit donc, c'est-à-dire nous croyons en l'affirmation de tout ce que Allah a affirmé comme nom et comme attribut pour sa personne, ou que son prophète, son messager sallallahu alayhi wa sallam a affirmé comme nom et comme attribut pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit mais par contre nous on se désavoue de deux graves erreurs, de deux graves problèmes. Le premier c'est at-tamthil et le deuxième c'est at-takif. At-tamthil c'est de dire soit dans son cœur ou par sa langue, hein, que les attributs d'Allah sont comme les attributs des créatures. Ça c'est at-tamthil, c'est de faire une comparaison ou de faire une ressemblance entre les attributs d'Allah et les attributs de ses créatures en disant en nous-mêmes ou par notre langue. Les attributs d'Allah sont comme les attributs des créatures. Donc ça, c'est du shirk. Hein? Et l'autre, la deuxième, c'est at-takif, c'est-à-dire de demander ou de chercher à comprendre le comment des attributs, hein? La description des attributs que Allah ne nous a pas mentionnés, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est de dire avec notre cœur ou avec notre langue le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de dire les attributs d'Allah sont de telle manière ou de telle manière, ou comment, hein, Allah subhanahu wa ta'ala sont, comment ses attributs sont. Donc ça c'est at-takif. Ces deux choses là sont interdites et ces deux choses là, hein, fait tomber la personne dans l'égarement. Donc pour l'explication de ça, le cheikh il dit wa nu'minu bi thubuti kulli ma athbathahu Allah li nafsihi aw athbathahu lahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam min al-asma'i was-sifat. فكل ما أثبته الله لنفسه وجب علينا الإيمان به والتصديق به واعتقاده وأنه حق وكذلك ما أثبته الله له رسوله صلى الله عليه وسلم ونؤمن به على الوجه الذي أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبدل ولا نحرف ولا نغير. Donc le cheikh il dit, nous croyons donc en l'affirmation de tout ce que Allah a affirmé pour lui-même comme nom et comme attribut, ou que son messager a affirmé à Allah comme nom et comme attribut. Et il dit, donc il est obligatoire d'affirmer tout ce que Allah s'est attribué à lui-même et tout ce qu'il a affirmé à propos de lui-même, il est obligatoire pour nous d'y croire, hein, et de reconnaître que c'est la vérité et d'avoir la conviction en cela et que c'est la vérité. De même qu'il est obligatoire pour nous d'affirmer également tout ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à propos d'Allah comme nom et comme attribut et d'y croire de la manière que Allah et son messager ont voulu, hein, pas de notre propre interprétation ou de notre propre compréhension, mais comme Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont voulu, sans déformer ou changer ou essayer de modifier le sens et la signification de ces noms et de ces attributs-là. Et le deuxième point, le shaykh dit, وَقَوْلُهُ وَلَكِنَّنَا نَتَبَرَّأُ مِنْ مَحْذُورَيْنِ عَظِيمَيْنِ هُمَا التَّمْثِيلُ كَأَنْ يَقُولَ بِقَلْبِهِ أَوْ لِسَانِهِ صفات الله كصفات المخلوقين هذا هو التمثيل ونحن نتبرأ من التمثيل تصديقا لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وامتثالا لقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال اتباعا للعقل في امتناع قياس الخالق بالمخلوق فهذه ثلاثة أدلة في نفي التمثيل. Donc le cheikh il dit, et nous nous désavouons de deux grandes choses interdites et graves par rapport aux noms et aux attributs d'Allah. C'est premièrement at-tamthil, le fait de faire des comparaisons et des ressemblances, soit dans notre cœur ou par notre langue, entre les attributs d'Allah et les attributs de sa créature. Hein? C'est ça at-tamthil. C'est-à-dire, on se désavoue de at-tamthil, de faire des comparaisons ou des ressemblances entre le Créateur et la créature dans ses noms et dans ses attributs. Et donc, le cheikh il donne l'exemple, il dit, on fait cela par rapport aux preuves qui sont mentionnées dans le Coran. Premièrement, le verset qui dit « Laysa kamithlihi shay ». C'est-à-dire, dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans surat Ash-Shura, il dit « Il n'y a rien qui lui ressemble. » Il n'y a rien qui soit comparable à lui. Et on établit cela, le fait que c'est interdit de faire at-tamthil, aussi par rapport au verset qui dit فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. Hein? Ne faites pas des comparaisons ou des analogies, hein, entre Allah et sa création. وَاتِّبَاعًا لِلْعَقْلِ. Et en se basant également sur la raison, dans le fait qu'il est impossible de faire des analogies entre le Créateur et la créature, hein? Parce que le Créateur il est parfait et la créature est imparfaite, hein? Donc ça c'est trois parmi les preuves, hein? Les preuves des deux textes plus la règle, hein, que le cheikh a mentionné, qui prouve qu'il faut nier toute comparaison ou toute ressemblance entre Allah et sa création. وَلِهَذَا نَقُولُ التمثيل تكذيب للخبر وعصيان للأمر ومجانبة للعقل فتكذيب للخبر في قوله تعالى ليس كمثله شيء وعصيان للأمر في قوله فلا تضربوا لله الأمثال ومجانبة للعقل في قياس الخالق على المخلوق فالتمثيل ممتنع شرعا وعقلا. Donc le cheikh il dit, et c'est pour ça que nous disons que de faire des comparaisons, des ressemblances entre Allah et sa création dans ses attributs, c'est une négation ou le fait de démentir l'information. Et c'est une désobéissance au commandement Et c'est quelque chose qui s'écarte de la raison. Hein, qui s'écarte de la raison. Il dit, premièrement, c'est une négation de l'information. De quelle information? Le verset dans sourate dans le verset qu'on a dit tout à l'heure, laisse kamithlihi shay. Ça c'est quand on dit que quand on fait une comparaison entre Allah et sa création, eh bien, on contredit cette information-là dans le verset qui nous dit que Allah, il y a rien qui lui ressemble et qu'il y a rien qui se compare à lui. Et c'est une désobéissance au commandement, puisque Allah, il nous interdit de faire des comparaisons ou des analogies avec lui. Hein? Il dit فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. Ça, c'est une interdiction. Donc, c'est un ordre. Et il dit وَمُجَانَبَةُ الْعَقْلِ. Ça s'écarte de la raison, puisque logiquement, c'est pas possible de faire des analogies entre le Créateur et la créature. Hein? Et donc, ça c'est la preuve que le fait de faire des ressemblances ou des comparaisons entre le Créateur et la créature, c'est quelque chose qui est impossible et interdit dans la révélation et dans la raison aussi, logiquement et religieusement dans les preuves de la révélation. Et on retrouve par exemple par rapport aux gens de Bid'ah, quand vous allez lire par exemple les écrits de certains parmi les Asha'ira, hein, ou les Ahbash aujourd'hui, qui dans leur site internet ou bien sûr dans leurs écrits, ils veulent mettre en garde contre les gens de la Sunna et avertir les gens contre les gens de la Sunna. Eux, ils les appellent les Wahhabiyyah. Ils vont dire, les Wahhabiyyah, hein, ils font le tamthil. Ils disent que les gens de la Sunna, ils font le tamthil. Donc, ils disent, et en français, ils traduisent ça même dans leur site, ils disent les Wahhabiyyah sont des anthropomorphistes. Hein, ils font des comparaisons entre le Créateur et la créature, ou ils font ressembler Dieu à un être humain ou des choses comme ça. Et donc, La raison de ça, pourquoi ils disent ça? Ils disent, vous êtes des mushabbiha, ou bien des mumathila. Pourquoi ils disent ça? Ils disent ça parce que, premièrement, ils n'ont même pas compris qu'est-ce que ça signifie at-tamthil, et qu'est-ce que ça signifie at-tashbih. Donc, de un, ils ne savent pas c'est quoi. Hein? Et deuxièmement, ils ont dit ça parce que nous, on a affirmé ce que Allah a affirmé dans le Coran, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé dans la sunna. Et étant donné que eux-mêmes ils ont fait le tashbih dans leur esprit, eh bien, hein, ils nous accusent de faire le tashbih parce qu'on a affirmé ce que Allah a affirmé. Et je vais vous donner un exemple de ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, les juifs ont dit, la main d'Allah est fermée. C'est-à-dire, ils accusent Allah d'être avare. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, que leurs mains soient frappées, hein, d'avarice, et qu'ils soient maudits pour ce qu'ils ont dit. Ses mains, tout au contraire, ses mains sont grandes ouvertes. Hein? Ses deux mains sont grandes ouvertes. Ils dépensent de ses richesses comme il veut. Kayfayasha. Donc ça c'est la preuve, hein, les gens de la sunna disent ça, c'est la preuve que Allah s'est affirmé qu'il a deux mains. Donc on est obligé de croire que Allah a deux mains. D'accord? Et on dit il a deux mains qui correspondent correspondent à sa majesté et à sa perfection et à sa grandeur. Et on dit que ces deux mains ne sont pas comparables et ne ressemblent pas aux mains de ses créatures. Parce que Allah est parfait, donc ses mains sont parfaites. Hein? Donc, il n'y a pas de comparaison et de ressemblance entre le Créateur et la créature. Eux, ils disent, ah, vous êtes des mushabbiha, parce que vous avez affirmé que Allah a des mains. On dit, mais ce n'est pas nous qui avons inventé ça, c'est Allah lui-même qui le dit dans le Coran. Hein? Vous voulez quoi? On le nie? Hein? Donc, eux, ils pensent que le fait de dire que Allah a deux mains réelles, hein, que ça c'est du tashbih ou du tamthil. Et at-tamthil, comme l'imam Ahmad l'a expliqué, c'est pas ça du tout. Hein? Et les salafs ont expliqué. At-tamthil, c'est quoi? C'est de dire Allah a deux mains comme les mains des êtres humains. Celui qui dit ça ou qui croit ça, il est kafir, mushrik, parce qu'il a fait ressembler Allah à sa création. Mais celui qui dit Allah a deux mains, tel que Allah l'a mentionné lui-même dans le Coran et tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans la sunna, et qui convient à sa majesté et sa perfection et à sa grandeur, et qui ne ressemble pas à ses créatures, ça c'est pas du tashbih, c'est pas du tamthil. Mais ces gens-là, étant donné qu'ils n'ont pas compris la réalité du tashbih, et en même temps tu leur demandes, quand tu leur demandes pourquoi vous affirmez pas les mains, ils disent non, parce que les mains c'est qu'est-ce qu'on connaît chez les créatures, chez les êtres humains et les animaux. Si on affirme ça à Allah, ça veut dire qu'on fait ressembler Allah à sa création. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, ils ont imaginé une main comme les mains des êtres humains ou comme les mains des animaux. Puis après, ils ont dit, bon, puisque ça c'est l'image de la main qu'on a dans notre esprit, on va nier la main pour pas faire le tashbih. Donc ils sont tombés dans un ta'til, la négation des attributs. Puis après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, il faut maintenant donner à la main d'Allah une autre signification pour éviter de tomber dans le tashbih. Donc ils ont dit, la main d'Allah, ça veut pas dire la main, ça veut dire la puissance ou la grâce. Et c'est pour ça qu'ils disent donc que à chaque fois ils disent non, la main ça veut pas dire la main, ça veut dire la grâce. Le visage ça veut pas dire la visage, ça veut dire autre chose. Et les yeux ça veut pas dire les yeux, ça veut dire autre chose. Donc chaque attribut que Allah a mentionné dans le Coran ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, eux ils viennent, ils font le tashbih dans leur esprit, après ils tombent dans le ta'til, et après ils font le tahrif. Donc c'est ça le danger de ces gens-là. Et après eux ils accusent les gens de la sunna d'être des mushabbiha. Non, exactement. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. C'est triste, les gens du livre ils ont dit ça. Ils ont dit les juifs ont dit les chrétiens se tiennent sur rien, et les chrétiens ont dit les juifs se tiennent sur rien, alors qu'ils lisent les deux le même livre. Et ça, ce que les gens du livre ont dit, on le retrouve parmi les gens de bid'a de cette umma aussi. Les Asha'ira, ils disent les Mu'tazila se tiennent sur rien, et les Asha'ira se tiennent sur rien, et ils lisent les deux le Coran. Et ils accusent les gens de la sunna, vous êtes des mushabbiha, alors que c'est eux les mushabbiha. Donc ça c'est la sunna d'Allah pour toute personne qui suit sa passion et qui s'éloigne de la parole d'Allah et de la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, et qui s'éloigne de la compréhension des pieux prédécesseurs, des salaf al-salih. Jamais tu vas trouver chez les salaf, ni chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni chez les sahaba, ni chez les tabi'in, un d'entre eux qui va dire à propos d'Allah et de ses attributs et de ses noms, il faut pas croire en qu'est-ce qui est écrit parce que ça veut pas dire ci, ça veut dire ça. Jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois il s'adresse aux sahaba, il dit wallazi nafsu muhammadin biyadihi wallazi nafsi biyadihi, celui dans lequel celui dans la main duquel est mon âme. Il parle d'Allah. À chaque fois qu'il parle aux sahaba, il dit celui dans la main duquel il y a mon âme, celui qui tient mon âme en sa main. Il dit ça aux sahaba à chaque fois qu'il parle, il jure par celui qui tient son âme en sa main. Pourquoi il n'a pas dit aux sahaba, attention, la main ça ne veut pas dire la main, ça veut dire la grâce, ça veut dire la force, pensez pas que Allah il a une main. Pourquoi il n'a jamais dit ça? Pourquoi les sahaba ont jamais posé la question, ô messager d'Allah, comment il est la main d'Allah? Jamais. Ils n'ont jamais posé cette question. Un d'entre les sahaba, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il va faire rentrer la dernière personne au paradis, vous avez lu le hadith peut-être, l'histoire de la dernière personne qui rentre au paradis, après être allé en enfer, il sort de l'enfer, et Allah subhanahu wa ta'ala le met à côté d'un arbre, ou bien il sort de l'enfer, il dit oh Allah, laisse-moi être proche de cet arbre. Alors Allah subhanahu wa ta'ala le rapproche de cet arbre, Et là, il regarde la porte du paradis. Il dit, « Oh Allah, laisse-moi me rapprocher de cette porte du paradis. » Alors, Allah subhanahu wa ta'ala lui rapproche du paradis. Il dit, « Oh Allah, laisse-moi rentrer dans le paradis. » Alors, il le fait rentrer dans le paradis. Et il dit, « Oh Allah, yani, il dit, si tu m'as fait rentrer dans le paradis, je ne vais plus jamais rien te demander. » Hein, si tu me donnes ça, je ne veux plus jamais rien te demander. Et c'est pour dire qu'à chaque fois qu'il dit je ne veux plus jamais rien te demander, à chaque fois après il demande encore à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose. Et même que dans le hadith il dit après Allah subhanahu wa ta'ala il lui donne tout ce qu'il veut. Il dit, est-ce que tu veux quelque chose encore? Il demande à tel point qu'il demande des choses, il répète des choses qu'il a déjà demandées même. Il se rappelle même plus qu'est-ce qu'il a demandé. Après, il dit, est-ce que tu veux quelque chose encore? Allah lui donne tout ce qu'il veut. Il dit, tout ce que tu me demandes, je te donne plus encore. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il rit parce que il voit que cette créature-là, et Allah connaît sa créature. Et il demande, et il dit, je ne vais plus jamais te demander, puis après il demande encore. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il rit de ça. Il y a beaucoup d'autres hadiths comme ça. Donc c'est pour dire, les sahabas quand ils ont entendu ça, qu'est-ce que le sahabi qui a entendu ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit, ô messager d'Allah, comment tu peux dire que Allah il rit? Pourquoi tu dis que Allah il rit? Comment il rit? Il a même pas posé cette question-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Il a dit, lan nu'dim khayran min rabbin yadhak. C'est-à-dire, on ne va pas manquer d'un bien de la part d'un Seigneur qui rit. Tout de suite, il a affirmé l'attribut d'Allah. Et il a cru que Allah, oui, il rit. Et il a vu hein, que si on a un Seigneur qui rit, on ne va jamais manquer d'un bien de sa part. Parce que ça, c'est une caractéristique d'un maître, d'un créateur, d'un maître, de notre Dieu qui est généreux, qui est miséricordieux. Qui a de la compassion pour ses créatures, hein, et qui rit. Oui, c'est la bonté. Donc, on va jamais manquer d'un bien de la part d'un Seigneur qui rit. Hein? Et lorsque tu sais que ton Seigneur, le Seigneur des cieux et de la terre, le Créateur de l'univers, il rit, hein, eh bien, ça te donne de l'espoir en sa miséricorde, ça te donne de l'espoir en sa bonté, hein, et que hein, il est miséricordieux et patient et indulgent et il a de la compassion envers ses créatures. Hein? Donc c'est que de la perfection. Et il rit d'une manière qui convient à sa perfection, à sa grandeur, à sa majesté. C'est pas un rire qui implique une imperfection quelconque comme chez certaines créatures parfois, qui parfois peuvent rire d'une manière maléfique ou d'une manière mesquine ou d'une manière qui a un sens qui est malin ou mauvais. Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait. Même quand il rit, son rire, il est parfait. Parce que c'est un rire, c'est son rire à lui. C'est pas comparable au rire des créatures. Ça fait partie des hadiths qu'on doit affirmer. Tout ce qui est sahih, tout ce qui est rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est authentique comme hadith, on doit l'affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a attribué à Allah subhanahu wa ta'ala et on lui attribue sans faire de tamthil, sans faire de takif, c'est-à-dire sans chercher à comparer avec la créature et sans chercher à demander le comment. Hein? Donc Allah il rit. Hein? On ne sait pas comment il rit et il ne rit pas comme ses créatures. Khalas. Il n'y a pas de tamthil, il n'y a pas de takif. Hein? Et on ne déforme pas le sens. Hein? On ne va pas déformer le sens non plus. Donc nous on va s'arrêter ici. Et on va reprendre ça au prochain cours, Inch'Allah, la suite de cette explication-là, parce que ça, c'est des règles très importantes à propos de la foi en Allah et en ses noms et ses attributs. Maintenant, après que le cheikh il a mentionné chaque attribut une par une et chaque point, hein, et les noms, il a mentionné depuis le début, on a fait plein d'exemples depuis le début, et là maintenant on arrive à la fin, là il revient sur les principes et les règles pour comprendre les noms et les attributs et pour éviter de tomber dans les égarements des mubtadi'a et des gens qui ont dévié dans ces questions-là. Donc là, il va établir, expliquer les principes qu'on doit respecter pour comprendre ces questions-là de façon correcte. Et là, c'est ça qu'il commence à expliquer maintenant. Non, c'est l'aqida. Al-tawhid, wal-aqida, wal-iman billah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, c'est relié à l'aqida. Et l'aqida, c'est asl-din, c'est la base de la religion. Il n'y a pas plus important que ça. Et malheureusement, beaucoup ont dévié dans ça. C'est là-dedans que l'égarement et la déviation a débuté, malheureusement. Donc on va s'arrêter pour ce point-là ici, puis maintenant on va passer à l'autre livre, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.